Le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a publié l'entretien contre la bande d'Obama qui, ahuri de la réussite des scientifiques et techniciens de l'Institut des armes nucléaires de la Corée à l'essai d'explosion nucléaire destinée à estimer la puissance de l'ogive nucléaire, qualifie absurdement la Corée de perturbatrice de la paix pour ainsi fomenter le climat de sanctions et de pression et voiler l'échec de sa politique vis-à-vis de la Corée. Le résumé de son entretien a été présenté du 11 au 13 par les médias et sites internet chinois, russes, iraniens, syriens, indiens, vietnamiens, bangladais, singapouriens, japonais, australiens, britanniques, équato-guinéens, polonais et du Congo démocratique, sous les titres, notamment, « Les États-Unis doivent reconnaître la position stratégique de la Corée, possesseur du nucléaire ».